Il est un peu plus de minuit quand le téléphone sonne dans la caserne des carabiniers de Peteano, une bourgade du Frioul proche de la frontière yougoslave. On est le 31 mai 1972 exactement et la nuit est belle. Le brigadier de garde Antonio Ferrari décroche. À l'autre bout du fil, un correspondant anonyme lui signale la présence suspecte d'une Fiat 500 blanche stationnée dans les environs de la petite ville. Sans doute une voiture volée. Puis il raccroche. L'Italie connaît alors une période troublée. Les brigades rouges ont commencé à semer la terreur et l'extrême droite complote. Aussi bien que Peteano soit une ville particulièrement tranquille, Ferrari, accompagné de deux autres carabiniers, décide d'aller voir sur place. La Fiat se trouve bien là où le correspondant anonyme l'a indiqué. Le brigadier et ses deux collègues tournent autour de l'auto. Puis il se décide à vérifier si la Fiat est fermée. L'un des carabiniers ouvre le coffre et c'est l'explosion énorme. Les trois policiers sont pulvérisés, tués sur le coup. 10 ans passent, l'enquête ne progresse guère, bien au contraire. Même les grands chefs des carabiniers ne semblent guère pressés de découvrir qui a massacré trois de leurs subordonnés. Mais le dossier arrive enfin sur le bureau d'un petit juge obstiné, Felice Casson. Le magistrat tire fil après fil. Et 8 ans plus tard, en 1990, il rend public ses conclusions. C'est un véritable coup de tonnerre dans le ciel politique italien. L'opinion découvre l'existence d'un réseau paramilitaire clandestin proche de l'extrême droite, Gladium. Une organisation anticommuniste qui a été créée avec la bénédiction de la démocratie chrétienne dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Un mouvement, enfin, qui a perpétré de nombreux attentats et assassinats et dissimulé des caches d'armes un peu partout en Italie. Mis en accusation, le pouvoir doit s'expliquer. D'autant que le président de la République lui-même, Francesco Cossiga, semble compromis. Alors le président du Conseil, Giulio Andreotti, consent à s'expliquer devant le Parlement. Il reconnaît l'existence de Gladio tout en minimisant l'importance du réseau. Il n'en est pas moins obligé de prendre la décision de le dissoudre. Mais surtout, à l'occasion de ces révélations et de l'enquête du petit juge italien, on découvre que c'est une véritable toile d'araignée qui couvrait une bonne partie de l'Europe et qui avait souvent infiltré les services secrets. C'est l'histoire de cette mystérieuse imprégnation que M. X a choisi cette semaine de raconter, une histoire qui nous concerne aussi au premier chef, nous, Français. Ils ne font rien, ils se situent. Ils sont consultants ambigus des hydres multinationales. Pas de nom que des initiales. Ils ont de grands ordinateurs, poules de luxe, hommes de paille, requins banquiers, simples canailles. Pas de nom et pas de photos. Leurs sociétés sont étrangères. Plus compliqué est le réseau qui les relie à leurs affaires. Il était grand, il était beau, il sentait bon son Lugano, mon gestionnaire. De Lugano était la banque Ambrosiano, là où les vierges vaticanes faisaient fructifier leurs magots. Loge P2 dans ses arcanes à 2 massifs cardinaux pour les consultations diaphanes avec de joyeux mafiosos. Le fameux compte à numéros passe de Zurich à Lausanne. De Bâle à Londres, près de Sceaux, rencontra le troisième couteau. Il était chauve, il était gros, portait des fringues de chez Smalto, mon mercenaire. Oiseaux prennent toujours pour plan de vol les bulletins de la météo. Ils vont toujours où il fait beau. Il fait beau dans les audimates, dans les sondages du Figaro. Il fait très beau chez la misère et dans les œuvres humanitaires. Il fait beau sur les droits de l'homme. Il fait beau chez l'intégration. Le plein emploi, l'immigration, on se les gèle dans le pognon. Politiquement, leurs idéaux sont très ciblés sur deux critères, entre Mad Max et l'abbé Pierre. Pas de nom et pas de photo, leurs sociétés sont étrangères. Plus étonnant est le réseau qui les réunit entre frères. Ils ne font rien, ils se situent. Ils prennent, ils se gavent, ils se tuent. Trivialité derrière les mots, la réussite dans les crocs. Ils sont là à tous les niveaux, c'est le règne des troisièmes couples. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Disons-le tout de suite, il est tentant de mettre sur le dos de Gladio toute une série d'événements inexpliqués, une organisation clandestine, c'est bien pratique. La complotite, quoi. Oui, pour autant, je ne peux pas minimiser la capacité de nuisance qui était celle de Gladio. Mais il convient de, quand même, de rester mesuré. Une question, quand même, avant d'aborder l'histoire de Gladio. Chez nous aussi, cette organisation mystérieuse a existé. Évidemment, hein. Même si elle ne portait pas ce nom. Enfin, peu importe. En 1990, Jean-Pierre Chevènement a admis son existence. Et il a dit de façon assez sibylline que ce réseau avait été dissous par le président de la République. Et quel président ? N'a pas précisé. Mais François Mitterrand, un peu plus tard, a reconnu que c'était lui qui avait pris la décision. Il faut dire qu'il était bien placé pour connaître l'existence du Gladio français, puisque l'un des membres du réseau n'était autre que l'un de ses conseillers, François de Grossoulou. Oui, en effet. Alors, comment tout ça a-t-il commencé ? Très vite, et avant même la fin de la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants américains se sont rendus compte que leur prochain adversaire sera l'URSS. Et dans ce sens, on peut affirmer que la guerre froide a commencé avant la fin du conflit. Comment ça s'est manifesté ? Par la chasse au cerveau, par exemple. Oui, ce scientifique allemand qui avait travaillé pour les nazis. Hein. Oui, ouais. Il y a eu aussi la compétition pour mettre la main sur les archives nazies. Des archives très précieuses, car les Allemands possédaient une documentation importante sur l'URSS et les partis communistes. Et puis, il y avait les hommes. Les hommes. Des nazis, des types qui étaient très compétents en matière de renseignement. Et les Américains, mais les Soviétiques n'ont pas agi autrement, ont dès cette époque envisagé de recruter certains de ces spécialistes. Oui, Barbie, par exemple. Oui, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais on en reparlera peut-être un jour. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que la guerre froide existait déjà en filigrane avant mai 1945. Ouais, d'accord, mais Gladio, alors. J'y viens. Après la guerre, le monde est coupé en deux. Ouais. L'armée soviétique occupe l'Europe de l'Est. Et à Washington, on craint que Staline n'avance ses pions en Europe occidentale où il existe des partis communistes très puissants. En France et en Italie, surtout. Essentiellement, oui, mais aussi en Grèce, ouais. Déchirés par une guerre civile impitoyable. À cette époque, et pas seulement aux États-Unis, on envisage très sérieusement une invasion de l'armée rouge en Europe de l'Ouest. Invasion qui pourrait être précédée ou suivie par la prise du pouvoir par les communistes. Il faut rappeler qu'en 1947, la France connaît une agitation politico-syndicale sans précédent. Toutes ces grèves qui paralysent le pays. Et qui menacent de tourner en insurrection. On verra même un attentat contre le train Paris-Lille, l'attentat qui fera de nombreux morts. Un attentat attribué aux communistes. Oui, même si la vérité n'a jamais été formellement établie, mais enfin passons. J'ajoute que 1947 est une année clé dans l'histoire de l'Europe. C'est en 1947 que Washington décide de venir massivement en aide aux pays d'Europe occidentale. On a appelé ça le plan Marshall. Oui, un plan d'aide économique qui vise à accompagner le relèvement de ces pays qui subissent durement les conséquences de la guerre, mais qui, c'est évident, a aussi pour objectif de repousser la menace communiste. Il y a donc les pays qui acceptent l'aide américaine et puis ceux qui la refusent. Sur ordre de Moscou. Et 1947, c'est aussi l'année du raidissement à l'Est. Staline a créé le Cominform, une structure internationale qui accroît encore un peu plus la mainmise soviétique sur les partis communistes européens. Et ce n'est sans doute pas par hasard. 1947 est également l'année de la création de la CIA. Qui remplace l'OSS. Hein. Ce n'est pas aussi simple. L'OSS, un service secret créé pendant la guerre, a été dissous en 1945. Mais rapidement, à Washington, on a compris que le pays ne pouvait pas se passer d'un vrai service de renseignement. Mais toujours à cause de la menace soviétique. Naturellement, c'est donc dans ce contexte qu'il faut voir la naissance de Gladio. Et le principe, alors ? Les services occidentaux ont été frappés par l'efficacité de l'action des résistants dans les pays occupés pendant la guerre. Et dans l'hypothèse d'une invasion de l'armée rouge en Europe occidentale, ils imaginent de mettre en place des structures de résistance préventive. C'est-à-dire des résistants susceptibles de mener le combat dès les premières heures de l'occupation. Exactement. Mmh. Et c'est pourquoi on parlera aussi d'un réseau « stay behind ». Oui, des « rester en arrière ». Oui, il faut donc un peu partout en Europe constituer des groupes clandestins qui disposeront d'armes, d'explosifs et de moyens de transmission. Des groupes de résistants qui combattront derrière les lignes ennemies. C'est assez astucieux car les promoteurs de cette idée ont tiré les leçons de la guerre. Les parachutages d'agents en territoire occupé ont été très coûteux en vie humaine. Les infiltrations également. Ouais. Donc ils veulent par conséquent compter sur des gens qui se trouvent déjà sur place. C'est ça. Voilà. Et dans le même temps, on imagine des plans qui permettront au gouvernement des pays conquis de partir en bon ordre en exil. Nous. Dans leur colonie. Par exemple, il est prévu que les Belges iront au Congo. Ça veut dire aussi organiser la mise à l'abri des archives de ces États. Ouais, c'est un plan relativement raisonnable, enfin dans la mesure évidemment où on envisageait vraiment une agression soviétique. Et on y croyait à l'époque. Au fond, il fallait éviter la pagaille de 1940 et surtout éviter toute surprise. Toutefois, vous l'imaginez bien, la formation de ces groupes de résistants devait se faire dans la plus grande discrétion possible. Ce qui n'était pas évident dans des pays comme la France, où il existait un parti communiste omniprésent et où déjà les services soviétiques disposaient d'un solide réseau d'enseignement. Et c'est là où le bât blesse, si je puis dire. Mais vous avez deviné. Parce que la clandestinité imposait des pratiques peu orthodoxes et, pour tout dire, assez peu démocratiques. Et d'autre part, où pouvait-on trouver des hommes susceptibles de s'engager dans un mouvement résolument anticommuniste, sinon dans la droite la plus dure et même l'extrême droite? Ah, c'est donc ainsi qu'on a recyclé des gens qui avaient été des collabos notoires. J'y reviendrai quand nous aurons examiné le cas de la France. Le danger existait donc dès le départ. Assurément. Et enfin, on ne met pas impunément dans les mains de tels personnages des stocks d'armes et d'explosifs. Parce qu'ils pourraient être tentés de s'en servir à d'autres fins. Naturellement. Au fait, ce mot gladio, là. En italien, vous le savez sans doute, ça voulait dire le glaive. Ah oui, d'accord. Et c'était le symbole des derniers combattants mussoliniens de la République de Salo. On n'a pas choisi ce nom à hasard. Je ne crois pas, non. Alors, voyons plus précisément l'exemple italien, puisqu'il illustre le mieux ce qu'a été Gladio, et c'est en Italie qu'on a sans doute connu les dérives les plus criminelles de l'organisation. Au départ, il y a un Américain, James Jesus Angleton. Oui, c'est l'homme qui dirigera plus tard le service de contre-espionnage de la CIA. Oui, un type qui était obsédé par les taupes soviétiques, il envoyait partout. Et peut-être qu'un jour, j'évoquerai son histoire, car elle est aussi passionnante qu'obscure. En 1945, Angleton se trouve en Italie, à Milan plus précisément, puis à Rome. Il y représente l'OSS et plus tard la CIA. L'Italie inquiète alors énormément les Américains. À cause de l'influence des communistes? Bien entendu. Les communistes, qu'il faut le souligner, ont joué un rôle éminent dans la résistance au fascisme et aux forces d'occupation allemandes. Et le gouvernement a beau être démocrate chrétien, les experts américains redoutent qu'un jour ou l'autre, les communistes n'arrivent au pouvoir en remportant tout simplement des élections. Il faut donc tout faire pour éviter cette fâcheuse éventualité. Oui, mais comment ? Dès 1945, Angleton commence à agir. Et il accorde sa protection à d'anciens responsables de la police secrète de Mussolini et cadre du parti fasciste. Il a déjà en tête de créer des organisations clandestines anticommunistes. Avec l'accord de Washington. On pouvait en être autrement, parce que tout ça, ça coûte très cher. Noi andremo a Roma, davanti al Papa e al Re. Noi grideremo ai potenti che la miseria c'è. Noi grideremo ai potenti che la miseria c'è. E per le vie di Roma la bandiera trionferà. Se benché siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, per amor dei nostri figli. Se benché siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, in lega ci mettiamo. Non c'è l'unione, cromiri col padrone, cromiri col padrone. La libertà non viene perché non c'è l'unione, cromiri col padrone, son tutti da ammazzare. Abbiamo delle belle buone lingue, se benché siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue, e ben ci difendiamo. Tanto orgoglio, abbassate la superbia, abbassate la superbia. E voi altri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate la superbia e aprite il portafoglio. Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Nous allons revenir avec Monsieur X sur le cas plus particulier de l'Italie et de l'action de James Angleton. Auparavant, je voudrais vous lire quelques lignes extraites d'un rapport ultra-secret du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, daté de 1948, qui autorise la CIA à recourir à des opérations clandestines et donc à mettre en place en particulier les réseaux Gladio. Je cite. Les termes opérations clandestines employés dans cette directive doivent être compris comme recouvrant toutes les opérations conduites ou décidées par ce gouvernement contre des États ou des groupes étrangers hostiles ou pour soutenir des États ou des groupes étrangers amis, mais qui sont planifiés et exécutés de telle manière qu'aucune responsabilité du gouvernement américain ne puisse être engagée. Et que, au cas où elle serait découverte, le gouvernement américain puisse dénier toute responsabilité de manière plausible. Plus spécifiquement, ces opérations incluront toutes les activités telles que propagande, guerre économique, actions préventives directes, ces dernières incluant sabotage, autosabotage, destruction, évacuation de personnes, subversion contre des États ennemis, ceci incluant l'assistance aux mouvements de résistance clandestins, aux guérillas et aux mouvements de libération nationale et le soutien aux éléments anticommunistes indigènes dans les contrées menacées du monde libre. Ce texte a été publié dans le livre de Genoveva Etienne et Claude Moniquet, l'histoire de l'espionnage mondial, paru aux éditions du Félin. Angleton va d'abord agir de façon relativement classique. Il aide à la constitution d'un syndicat chrétien, par exemple. pour contrer l'influence de la puissante fédération syndicale dominée par les communistes et qui compte alors des millions d'adhérents. Il aide, c'est-à-dire qu'il finance aussi. Bien entendu. Ouais. Bah, il en sera de même en France avec Force Ouvrière, on Vous le sait maintenant. Vous avez parfaitement raison. Oui, FO bénéficie dans ces années-là du soutien financier des Américains. Mais Angleton arrose aussi les partis anticommunistes. Toutefois, ce n'est pas suffisant. En 47 ou 48, avec l'accord du ministre de l'Intérieur italien, il crée une première structure clandestine, l'Armée italienne de la liberté. Ce sera l'ancêtre de Gladio, en quelque sorte. Il faut noter, et c'est très intéressant, que dès cette époque, cette armée secrète est patronnée par une loge maçonnique. Ah, vous faites allusion à la loge P2 de Licio Gelli ? Oui, enfin, la loge P2 n'existe pas encore. Mais Gelli, qui a combattu en Espagne dans les rangs franquistes, ne doit pas se trouver très loin. Ensuite, Angleton et la CIA vont noyauter les services secrets italiens qui renaissent alors de leurs cendres. C'est d'autant plus facile que l'homme qui va être nommé à la tête de ces services secrets n'est autre que le fondateur de cette armée italienne de la liberté. Et c'est avec ce général que la CIA va réellement créer le réseau Gladio. Alors quand ? Au tout début des années 50. On recrute alors des gladiateurs à travers tout le pays. L'organisation est alors cloisonnée, exactement à la manière des réseaux de résistance qui ont lutté contre les nazis pendant la guerre. Des caches d'armes sont disposées dans le pays et les gladiateurs sont entraînés dans des camps secrets de l'armée, le plus souvent par des instructeurs américains ou anglais. Parce que les Britanniques aussi, alors. Oui, ils vont jouer un grand rôle dans cette mise en place de Gladio. Et on peut savoir à peu près combien d'hommes sont recrutés ? Des centaines. Ça représente peu de choses à l'échelle de tout un pays comme l'Italie, mais ces gladiateurs sont bien entraînés et représentent une force non négligeable. Enfin, là n'est pas le plus important. Au début, je vous l'ai dit, l'idée qui a présidé à la création de Gladio, c'était de faire face à une menace soviétique. Mais bientôt, avec les années, l'objectif change. Ces structures enterrées sont en fait chargées de lutter par tous les moyens contre l'arrivée d'une coalition de gauche au pouvoir. Coalition où figurerait en bonne place le Parti communiste. Bien sûr. Et comme la perspective d'un compromis historique, c'est-à-dire d'un contrat de gouvernement entre les communistes et les démocrates chrétiens se rapproche, Gladio va mettre au point ce qu'on va appeler la stratégie de la tension. D'un côté, on va assister, après 1968, aux mers rampants, une vaste entreprise qui vise à paralyser les entreprises italiennes. Oui, mais ça, c'est un mouvement lancé par l'extrême-gauche. Et qui va bientôt donner naissance aux Brigades Rouges, je suis d'accord. Il y a parmi ces militants égarés beaucoup d'hommes sincères. Mais je suis persuadé que ce mouvement extrémiste a été largement infiltré. Vous vous souvenez peut-être de ce que je vous ai dit lorsque nous avons parlé de l'assassinat d'Aldo Moro en 1978. Le chef de la démocratie chrétienne a été enlevé puis tué parce qu'il le prônait le compromis historique. Oui, les siens l'ont laissé tomber carrément. Enfin, ils n'ont rien fait pour obtenir sa libération. Mais l'essentiel, c'est que je suis convaincu que les assassins ont été manipulés. Malgré eux donc ? Certains, oui. Mais assez récemment, un colonel de la CIA qui a servi comme officier de liaison avec Gladio a affirmé que parmi les membres du commando se trouvaient des agents des services spéciaux italiens. Des agents infiltrés dans les Brigades Rouges, alors ? Certainement. Il faut aussi remarquer qu'à l'époque, en 1978, les principaux chefs historiques des Brigades Rouges se trouvaient déjà en prison. Ouais, le mouvement était donc plus vulnérable, oui, plus malléable. Enfin, oui, absolument. Ouais. Et les brigades qui étaient depuis longtemps étroitement surveillées par les services secrets ont été facilement manipulées par ces hommes qui dirigeaient Gladio avec sans doute la participation de la mafia. Mais n'y revenons pas, car nous en avons déjà longuement parlé. Signalons simplement qu'un officier important des services secrets se trouvait sur place lorsque Moro a été enlevé. Ouais. Étrange, non ? Oui, étrange. La stratégie de la tension, c'est aussi les attentats perpétrés par l'extrême droite, d'une action façon symétrique. Oui, ouais, c'est ça, qui est également initié par les mêmes hommes. Je vous rappelle que ces attentats ont été extrêmement meurtriers et ont causé la mort de dizaines d'innocents. Mais alors, l'objectif de tout ça... Il s'agit clairement de déstabiliser le pays dans le but de renforcer les organes de sécurité, de durcir le régime. Il fallait que les Italiens terrorisés réclament d'eux-mêmes l'instauration d'un pouvoir plus fort. Pouvoir autoritaire, mais... Oui. C'est un miracle, d'ailleurs, que la démocratie italienne ait survécu à une telle opération de déstabilisation. Car lorsqu'en 1990, l'existence de Gladio sera enfin rendue publique, on s'apercevra du degré d'infiltration de ce réseau dans les services secrets en particulier, mais aussi dans la police, le monde des affaires et le personnel politique, même si, pour des raisons évidentes, toute la lumière n'a pas été faite. Admettons. Mais quelle était la véritable implication de la CIA dans tout ça ? La CIA était à l'origine de l'affaire. Oui. Et elle a continué à aider et financer la structure de Gladio. Sans compter que l'agence américaine a certainement soutenu ces mouvements d'extrême droite comme Ordre Nouveau, qui était responsable de la vague d'attentats qui a ensanglanté l'Italie au cours de ces années de plomb. Toutefois, je n'ai pas de preuves à vous fournir. Car dans leurs opérations noires, comme ils les appelaient, les agents américains ont toujours eu pour consigne de ne pas agir eux-mêmes. Oui, ils faisaient faire le sale boulot par d'autres. C'est logique. Nous avons Donc longuement parlé de l'Italie, mais alors dans les autres pays, et puis quel pays d'abord? La quasi-totalité des pays européens, ou considérés comme proches de l'Europe en raison de leur appartenance à l'OTAN. Vous voulez parler de la Turquie, là? Exactement. Et je suis sûr que le réseau Gladio implanté en Turquie n'a pas été étranger aux coups d'état militaires qui ont eu lieu dans ce pays au cours des années 70. De même que la lutte contre les séparatistes kurdes a dû, au moins en partie, être initiée par les responsables de Gladio. En vous écoutant, là, on a l'impression que c'était une gigantesque pieuvre qui avait pris possession de l'Europe. Une pieuvre, n'exagérons pas. Mais c'est vrai que Gladio, sous un nom ou sous un autre, a exercé jusqu'au début des années 90 une énorme pression sur les pays de l'Europe de l'Ouest. Je veux bien vous croire, mais... Est-ce qu'il existait des rapports entre tous ces réseaux Gladio, appelons-les ainsi pour simplifier, hein? Bien sûr que oui. Cette nébuleuse avait un noyau directeur, la CIA. C'est incontestablement Washington qui tirait les ficelles. Et qui, il faut le reconnaître, dépensait des centaines de milliers de dollars pour parvenir à ses fins. Mais d'une façon générale, il convient aussi de dire que la plupart des services secrets occidentaux marchaient la main dans la main avec les Américains. Vous avez déjà évoqué les Britanniques, hein? C'est vrai. Mais les Belges n'ont pas été en reste. Et on se demande toujours pourquoi, dans les années 80, ceux qu'on appelait les tueurs fous du Brabant ont abattu au moins 20 de clients ou d'employés de supermarché, en principe sans mobile d'apparent. Inter, Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. Avant de poursuivre, revenons un instant sur l'exemple italien. En 1992, des journalistes de la BBC et de l'Observer mènent une longue enquête sur les réseaux Gladio. Ils parviennent à rencontrer dans sa prison un dirigeant d'extrême droite du mouvement Ordre Nouveau. Ce dernier, Vincenzo Vinciguerra, soupçonné d'être en relation avec Gladio et d'avoir commandité plusieurs attentats meurtriers, leur déclare. Il fallait s'en prendre aux civils, aux gens, aux femmes, aux enfants, à des innocents, à des inconnus qui n'avaient rien à voir avec la scène politique. La raison était parfaitement simple. On était censé pousser les gens, le peuple italien, à se tourner vers l'État pour demander un renforcement de la sécurité. Voilà la logique politique de tous ces massacres et ces attentats qui restent impunis parce que l'État ne peut pas se condamner lui-même ou se déclarer responsable de ce qui s'est produit. Et Vinciguerra ajoute, en ce qui concerne les Brigades Rouges, tous les membres des Brigades Rouges étaient connus de la police et des carabiniers et des services secrets et personne n'a jamais rien fait pour les arrêter. Alors, voyez-vous, la guerre révolutionnaire ne devrait pas être considérée comme une action dirigée contre les démocraties occidentales, mais plutôt comme un moyen de défense adopté par les démocraties occidentales et mis en œuvre avec un cynisme aveugle. En Belgique aussi, on a parlé de tentatives de déstabilisation à l'italienne, si je puis dire. C'est exact. Parce que d'un côté, il y avait ces tueurs qui semblaient tués au hasard et qui étaient certainement issus de l'extrême droite ou des forces de sécurité. Et de l'autre, il y avait des gauchistes qui commettaient des attentats très spectaculaires. En outre, dans le cas de la Belgique, il ne faut pas oublier qu'elle occupait en pleine guerre froide une position stratégique. Le siège de l'OTAN. Et de la CE. Encore une fois, je passe, car je ne veux pas me répéter. Je peux néanmoins vous dire que la Belgique a sans doute été un des pays les plus impliqués dans la constitution des réseaux Gladio. Et là aussi, ça a commencé très tôt, à la fin des années 40, et sans doute à l'initiative des Anglais. Mais quand on parle des Anglais, les Américains ne sont jamais très loin. Ouais, hier comme aujourd'hui, c'est bien ce que vous voulez dire. On le vérifie tous les jours, effectivement. C'est donc le patron de l'intelligence service qui, dans une lettre secrète adressée au Premier ministre de l'époque, Paul-Henri Spaak, a proposé à la Belgique une coopération anglo-belge pour monter ces réseaux anticommunistes. Et Spaak a accepté? Aussitôt. Et d'après mes informations, des exercices d'entraînement communs ont eu lieu en Belgique jusque dans les années 80. Alors, les années 80 sont aussi les années où on sévit les tueurs fous du Brabant. C'est juste, et les témoins de ces tueries, il faut le rappeler, ont tous noté que les assassins se déplaçaient à la manière des commandos militaires. D'autre part, il semblait bien qu'ils avaient tous subi un entraînement au tir instinctif, ce que les Américains appellent le « practical shooting ». C'est troublant en effet. Hein. Alors vous me demandiez si tous ces réseaux avaient un lien entre eux, oui. Il existait un organisme centralisateur qui s'appelait, je crois, le comité de coordination et de planification. Un comité clandestin, je pense. Forcément. Enfin, Mais pour mieux le dissimuler, les anglo-saxons, car c'était eux qui tiraient les ficelles, l'avaient installé à l'ombre de l'énorme machine qu'était l'OTAN. C'était d'ailleurs assez drôle. Pourquoi drôle? Bah, quand le grand public apprendra l'existence de Gladio, l'OTAN, en tant qu'organisation militaire destinée à contrer le pacte de Varsovie, sera naturellement soupçonné. Soupçonné d'avoir initié Gladio. Oui. Et immédiatement, l'OTAN a publié un communiqué niant tout lien avec Gladio et affirmant ne même pas connaître ce nom. Mais patatras, dès le lendemain, un autre communiqué émanant du secrétariat général a au contraire reconnu la paternité des réseaux. Mais au nom du secret militaire, l'organisation alliée n'en dira pas plus. Ça signifie en tout cas qu'il devait exister des réseaux Gladio donc, dans tous les pays de l'OTAN. Bien entendu, en Turquie, en Grèce. En Grèce, où l'on peut d'ailleurs affirmer sans se tromper que les colonels putschistes de 1967 étaient des gladiateurs. Mais il n'y avait pas que des pays liés par le traité de l'Atlantique Nord. Dans trois pays neutres, il existait aussi des réseaux Gladio. L'Autriche, la Suède et la Suisse. La Suisse. Et que voulez-vous ? Il fallait bien protéger les coffres-forts contre d'éventuels appétits soviétiques en cas d'invasion. Donc, en conséquence, les autorités fédérales ont mis au point, elles aussi, une structure clandestine du type Gladio. Je peux même vous dire qu'il était prévu que les dirigeants suisses trouvent refuge en Irlande. Ah oui, vous êtes sérieux, là ? Absolument. Et les réseaux clandestins suisses étaient étroitement liés aux Britanniques. C'est pourquoi il n'est pas déraisonnable de parler de toile d'araignée européenne. Alors, en France même. Bon, je suis bien placé pour vous en parler, car notre Gladio à nous, même s'il n'a jamais porté ce nom, est né à l'initiative des services secrets. Du SDEC, plus précisément. Je veux parler de l'opération Rose des Vents. Ah oui, vous êtes aussi des poètes dans les services. Hein. N'est-ce pas ? Alors, je vous raconte. Dans les premières années de l'après-guerre, le patron du SDEC s'appelle Henri Ribière. C'est un ancien résistant, un socialiste. Il est naturellement très anticommuniste. Mais pourquoi naturellement ? Parce que pour les services de l'époque, l'ennemi se trouve à l'Est. Et les événements de 1947 en France n'ont fait que renforcer ses convictions. Le raisonnement de Ribière est le suivant. Si l'Union soviétique décide d'envahir la France, rien ne pourra arrêter l'armée rouge. Il faut donc, dès maintenant, se préparer à résister. Oui, c'est un ancien résistant qui parle. Oui, c'est très important. Parce que Ribière va calquer l'organisation des réseaux Rose des Vents sur la façon dont fonctionnaient les mouvements de résistance pendant l'occupation. C'est-à-dire qu'il procède à un découpage de la France et qu'il va mettre en place un petit peu partout des commandos clandestins strictement cloisonnés. Des commandos dormants, bien dotés en armes et en appareils radio. Des commandos dormants. Et le recrutement, alors ? C'est très délicat. L'armature, ce sera le service action du SDEC. On y trouvera des gens comme Jacques Focard, qui n'a jamais coupé ses liens avec le service. Oui, mais enfin, il fallait aussi des hommes sur le terrain. Hein. Et la tentation, c'était bien sûr de faire appel aux anciens résistants d'obédience socialiste ou gaulliste. Ils étaient très expérimentés. Ils avaient fait la preuve de leur courage. Mais parmi eux, pouvaient se cacher des crypto-communistes, des hommes qui auraient pu mettre en péril le secret indispensable au montage de cette opération. Parce que vous imaginez bien que si l'affaire avait été rendue publique, le scandale aurait été énorme. Donc si je vous suis bien, alors, dans ces réseaux, il n'y aura pas que d'anciens résistants ? Oui, c'est là où je voulais en venir. À côté d'authentiques résistants, on va aussi recruter des gens qui ont collaboré au nom de la lutte anticommuniste. C'est la triste vérité. J'ajoute qu'on retrouvera certains de ces gladiateurs derrière les nombreux complots qui ont émaillé la courte vie de la 4e République. Mais est-ce que ce gladio à la française a été en contact avec les autres réseaux européens et est-ce que la CIA a joué un rôle dans la création de ce réseau ? À ma connaissance, pas, au début en tous les cas. Le SDEC avait plutôt des relations avec les services britanniques, mais ensuite, c'est vrai, la CIA s'en est mêlée. Et les gouvernements de la 4e République ? Certains ministres ou chefs de gouvernement n'ont pas pu ne pas être au courant, et ils ont couvert Ribière, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Vous avez des noms, alors ? Un homme comme Jules Mock, qui était ministre de l'Intérieur au moment de la création de Rose des Vents, a probablement su. Et François Mitterrand, qui sera lui aussi ministre de l'Intérieur un peu plus tard. Je vous ai déjà dit que François de Grossouvre a été l'un des dirigeants de Rose des Vents, dans la région lyonnaise. Mais un autre proche de Mitterrand, René Bousquet. L'ancien secrétaire général de la police de Vichy, oui. Oui, Bousquet a rendu un fier service au réseau en lui remettant une partie de ses archives. Des archives sur quoi ? Des fichiers anticommunistes constitués pendant la période de l'occupation. Mais sur Mitterrand, je suis incapable de vous en dire plus. Sinon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'est lui qui a ordonné la dissolution du réseau. Ça veut donc dire que ce réseau existait encore lorsqu'il a été élu à la présidence de la République en 80. Oui, même si après le retour du général de Gaulle en 58, il a été en principe mis en sommeil. Mais, enfin, sous Mitterrand, ce réseau-là, était-il encore en état de fonctionner? S'il ne l'était pas, pourquoi aurait-il pris l'initiative de le dissoudre? Toutefois, c'est certain, les gens avaient pris de l'âge. C'était un peu le club des vieux de la vieille. Mais ces gens brûlaient de reprendre du service et le sont signalés en mai 1968, par exemple. Pour quelle raison? Ils se seraient bien vus apporter un soutien actif au gouvernement. Et on retrouvera certains d'entre eux dans le sac. Toutefois, quand Alexandre de Maranche prendra la direction du SDEC, les liens entre nos services et la CIA, distendus sous De Gaulle, seront renforcés et quelques noyaux de gladiateurs français seront réactivés dans le plus grand secret. Parce qu'on n'avait pas encore fini avec la guerre froide et que nos amis américains tenaient toujours à veiller sur notre sécurité, avec les meilleurs sentiments du monde, naturellement. La preuve de l'implication américaine dans la création de ces réseaux gladiaux, je l'ai trouvé dans le livre de Pascal Krop sur les secrets de l'espionnage mondial publié chez Lattès. Il cite une note de l'ambassadeur américain en France, Caffrey, rédigée en 1947. Il est intéressant de rappeler que de nombreux observateurs qualifiés et intelligents situés en France et résistants à l'extension du pouvoir soviétique communiste considèrent qu'il est essentiel pour les États-Unis d'établir en Europe une sorte de ligne européenne occidentale au-delà de laquelle nous nous retirerons. Ces observateurs insistent sur le fait que de nombreux Français continuent d'hésiter à se prononcer totalement en notre faveur, car ils craignent que dans l'éventualité d'une guerre, nous n'ayons pas l'intention de nous occuper de la France, mais uniquement de la péninsule ibérique. Ils croient que nous n'avons pas l'intention de défendre l'Allemagne de l'Ouest, la Belgique, la Hollande et la France contre les hordes soviétiques. En conséquence, tant que nous ne dirons pas clairement que nous agirons de façon efficace en Europe, les États-Unis n'obtiendront pas le soutien de nombreux éléments de qualité dont on ne peut espérer l'héroïsme à moins qu'il existe quelque chance de réussir. En d'autres termes, ils croient que l'établissement d'une ligne politique qui coïnciderait plus ou moins avec une ligne militaire serait très avantageux pour nous. Le secret pour finalement réussir à éliminer la menace du communisme, tant en Italie qu'en France, se trouve peut-être, affirme-t-il, profondément enfoui dans ce problème. Bien sûr, il faut lire entre les lignes, mais ça me paraît clair. À samedi prochain, et je vous rappelle notre site franceinter.com, un site qui vous permettra de réécouter cette émission et même des programmes plus anciens. Thank you.